Elle demeura saisie d'étonnement. C'était un fouillis d'objets de toute nature, les uns brisés, les autres salis seulement, les autres montés là, on ne sait pourquoi, parce qu'ils ne plaisaient plus, parce qu'ils avaient été remplacés. Elle apercevait 1000 bibelots connus jadis, et disparus tout à coup, sans qu'elle y eût songé, des riens qu'elle avait maniés. Ces vieux petits objets insignifiants, qui avaient traîné 15 ans à côté d'elle, qu'elle avait vu chaque jour sans les remarquer, et qui, tout à coup, retrouvée là, dans ce grenier, à côté d'autres plus anciens, dont elle se rappelait parfaitement les places au premier temps de son arrivée, prenait une importance soudaine de témoins oubliés, d'amis retrouvés. Il lui faisait l'effet de ces gens qu'on a fréquentés longtemps, sans qu'ils se soient jamais révélés, et qui soudain, un soir, à propos de rien, se mettent à bavarder sans fin, à raconter toute leur âme qu'on ne soupçonnait pas. Elle allait, de l'un à l'autre, avec des secousses au cœur, se disant « Tiens, c'est moi qui ai fêlé cette tasse de Chine ce soir, quelques jours avant mon mariage. Ah, voici la petite lanterne de mer, et la canne que petit père a cassée en voulant ouvrir la barrière dont le bois était gonflé par la pluie. » Il y avait aussi là-dedans beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas, qui ne lui rappelaient rien, venues de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, de ces choses poudreuses qui ont l'air exilées dans un temps qui n'est plus le leur, et qui semblent tristes de leur abandon, dont personne ne sait l'histoire, les aventures, personne n'ayant vu ceux qui les ont choisis, achetés, possédés, aimés, personne n'ayant connu les mains qui les maniaient familièrement et les yeux qui les regardaient avec plaisir. Jeanne les touchait, les retournait, marquant ses doigts dans la poussière accumulée. Et elle demeurait là, au milieu de ses vieilleries, sous le jour terne qui tombait par quelques petits carreaux de verre encastrés dans la toiture. Elle examinait minutieusement des chaises à 3 pieds, cherchant si elles ne lui rappelaient rien, une bassinoire en cuivre, une chaufferette défoncée qu'elle croyait reconnaître, et un tas d'ustensiles de ménage hors de service. Puis elle fit un lot de ce qu'elle voulait emporter, et, redescendant, elle envoya Rosalie le chercher. La bonne, indignée, refusait de descendre, ses saletés. Mais Jeanne, qui n'avait cependant plus aucune volonté, tint bon cette fois, et il fallut obéir.